DJ B. My name is what? My name is what? My name is Black Renegade. My name is Aketo. Aketo. My name is Tunisiano. On est de retour. Bonjour la France, c'est le comeback. Burst maillé dans la bague. Ça va, ouais.